Quatrième partie, chapitre 3 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune par Louise Michel. Quatrième partie, l'Hécatombe. Chapitre 3. Des bastions à Satory et à Versailles. Une immense hécatombe, un sépulcre, un repère. Je n'avais pas vu ma mère depuis longtemps, et les massacres continuant dans Montmartre, une grande inquiétude me tourmentait à son sujet. Sachant où retrouver mes camarades, je résolus d'aller chez elle, de lui dire de nouveau le plus de mensonges possible, afin qu'elle consentît à ne pas sortir. Me croirait-elle? Y serait-elle seulement? Ceux qui n'ont pas vécu ces jours-là ignorent ces terribles anxiétés. On me prête une jupe grise, la mienne étant trouée de balles, une capeline, et je m'en vais de l'air le plus bourgeois qu'il m'est possible. Marchant à petits pas, vers la rue Oudot, j'y avais, au 24, ma classe, et aussi notre logement, à ma mère et à moi. Montmartre était plein de soldats, mais pas plus qu'à mon voyage de Versailles. Je m'inspirais de soupçons. Notre vieille amie, Madame Blin, que j'avais rencontrée, vient avec moi. Elle n'avait rien entendu dire de ma mère, ni de la classe, si ce n'est que les enfants y étaient pendant les derniers jours comme à l'ordinaire. Plus on approchait, plus l'inquiétude me serrait le cœur. Quel sépulcre que Montmartre au jour de mai! Des gens de mauvaise mine, portant le brassard tricolore, regardant en dessous, seuls passaient, parlant aux soldats. La cour de l'école est déserte, la porte fermée, mais pas à clé. La petite chienne jaune Finette hurle en m'entendant. Elle est enfermée avec le chat dans la cuisine. Les pauvres bêtes crient. Mais je ne vois pas ma mère. Je demande à la concierge qui hésite. Enfin, elle m'avoue que les Versaillais sont venus me chercher et que ne me trouvant pas, ils ont emmené ma mère pour la fusiller. Il y a un poste de l'armée dite régulière au café en face. J'y cours. Je leur demande ce qu'ils ont fait de ma mère qu'on vient d'emmener à ma place. « Elle doit être fusillée maintenant, » me dit froidement l'un d'eux, le chef. « Alors vous recommencerez, » leur dis-je, « pour moi, où est-elle? Où sont vos prisonniers ?» Ils me disent que c'est au bastion 37 et qu'on va me conduire. Mais je sais où c'est. Je n'ai pas besoin d'eux. Je cours en devant. Ils me suivent. J'ai hâte de voir ma mère que je crois morte et de jeter ma vie à la face de ces monstres. Au bastion 37, dans une grande cour toute pleine de prisonniers, je la vois avec les autres grand nombre de nos amis. Jamais je n'ai éprouvé si grande joie. Les soldats qui m'avaient amené en même temps que je demandais au commandant la liberté de ma mère, puisque je venais prendre ma place, lui racontèrent ce qui venait de se passer. Il parut comprendre et m'accorda de l'accompagner jusqu'au milieu du chemin, pour être sûr qu'elle arriverait. La pauvre femme ne voulait pas partir, mais devant la peine que j'en éprouvais, un peu rassurée aussi par les autres prisonniers qui m'avaient comprise et par la liberté que j'avais de la reconduire, elle finit par consentir. Les soldats qui étaient venus avec moi devaient l'accompagner jusqu'à la rue Oudot. Je l'ai quitté au milieu du chemin comme je l'avais promis et je retournai seul au bastion. J'avais mis le temps à profit pour lui dire le plus gros de choses rassurantes que je pouvais imaginer. Qu'on ne fusillait plus les femmes, qu'il n'y aurait que quelques mois de prison, etc. Mais elle n'était pas crédule. Je la trompais si souvent. « Vous n'avez donc pas confiance en nous ?» me dit le commandant en me revoyant. « Non, lui dis-je. » Je repris ma place avec les prisonniers. Il y en avait de Montmartre, du comité de vigilance, du club de la Révolution, du 61e bataillon surtout. Un dôme de fumée s'étendit sur Paris. Le vent nous apportait comme des vols des papillons noirs, des fragments de papier brûlé. Dans les incendies, le canon tonnait. En face de nous, sur la terre, était un poteau prêt pour exécuter. Le commandant revint près de nous et me montrant des langues de flammes qui dardaient dans la fumée, il me dit « Voilà de votre ouvrage. Oui, lui dis-je, nous ne capitulons pas, nous. Paris va mourir. On amena un jeune homme à la tête frisée, grand, et qui ressemblait à Mégy. On le prenait en effet pour lui. Nous avions crié, ce n'est pas Mégy. Il secoua la tête comme pour dire, qu'importe. Il fut fusillé sur le tertre et mourut bravement. Personne de nous ne le connaissait. Nous attendions nos tours. Devant nous, un ou deux rangs de soldats, fusils chargés, attendaient. Le soir était venu. Il y avait de profonds endroits d'ombre, d'autres éclairés de lanternes. Dans un enfoncement sur une civière, une de ces lanternes éclairait le corps du fusillé. Il y avait parmi les prisonniers deux commerçants de Montmartre qui, sortis de chez eux par curiosité pour voir, avaient été ramassés dans la rafle. « Nous ne sommes pas en peine pour nous, » disait-il. « Nous étions plutôt contre la commune et nous n'avons pris part à rien. Nous allons nous expliquer et nous sortirons d'ici. Mais nous les sentions tout autant en danger que nous-mêmes. » Tout à coup arrive un état-major à cheval. Celui qui commande est un homme assez gros, au visage régulier, mais dont les yeux pleins de fureur semblent jaillir au dehors. La face est pourpre, comme si le sang répandu y eût jailli pour le marquer. Son cheval magnifique se tient immobile. On le dirait en bronze. Alors, très droit sur son cheval, il met ses poings sur ses côtés en un geste de défi et commence, placé devant les prisonniers. « C'est moi qui suis Gallifet. Vous me croyez bien cruel, Jean de Montmartre. Je le suis plus encore que vous ne pensez. » Il continue sur ce ton pendant quelques instants sans qu'il soit possible de comprendre autre chose que des menaces incohérentes. Se le tenant pour dit, on s'arrange comme on peut afin d'être convenable pour mourir. Nous sommes quelques centaines et nous ne savons pas si on ira sur le tertre ou si on sera fusillés ensemble. Mais tout de même, on secoue la poussière de ses cheveux. J'ai déjà avoué que nous avions, nous tous du 71, des coquetteries pour la mort. Et en même temps, cette phrase « C'est moi qui suis Gallifet » était si drôle qu'elle nous rappelle une vieille chanson du temps des opéras de Bergerie. « C'est moi qui suis Lindor, berger de ce troupeau. » Quel étrange berger et quel étrange troupeau. Ce premier vers, qui me revenait de je ne sais où, je ne sais comment, nous fit rire. « Tirez dans le tas !» crie Gallifet furieux. Les soldats gorgés de sang, lassés d'abattre, le regardent comme en rêve, sans bouger. Alors, épouvantés, les deux commerçants se mettent à fuir çà et là, bousculant les prisonniers et les soldats pour se faire un chemin. Tournant sa fureur contre eux, Gallifet les fait saisir. Il ordonne de les fusiller. Eux crient, se débattent, ne voulant pas mourir. Ils nous recommandent leurs enfants comme si nous devions survivre et sont tellement affolés qu'ils ne peuvent même dire leur adresse. Nous avions beau crier. Ils sont des vôtres. Nous ne les connaissons pas. Ce sont des ennemis de la commune. L'un fut fusillé. Non pas au poteau, mais en courant sur le tertre comme on tire des bêtes à la chasse. L'autre se tordait au poteau, ne voulant pas mourir. L'un d'eux cria. « Hélas !» disaient les prisonniers. « Moi, je crus qu'il avait dit Anna et que c'était sa fille. » Au retour de Calédonie, après la publication du premier volume de mes mémoires, sa fille vint me voir. On n'avait jamais su ce que les deux frères étaient devenus. Maintenant, il y avait trois corps dans l'enfoncement à notre gauche. Derrière, c'était le mur en face, le tertre des casemates, où le poteau était éclairé. C'était une longue perche mince en bois blanc. Dans la journée, ces deux curieux, qui croyaient si bien sortir, avaient trouvé moyen de se rendre compte de la cour. Le tertre, nous disait-il, ce sont les casemates. Quand nous sortirons, nous demanderons à voir le bastion. « Est-ce que vous avez vu des forts, vous ? » disait-il. « Oui, ici, Montrouge, Vanves, et il fallait leur expliquer un tas de choses. » Gallifet avait disparu. On nous fit ranger en file. Des cavaliers prirent les deux côtés et on nous amena, nous ne savions pas où. On marchait bercé par le pas régulier des chevaux s'en allant dans la nuit éclairée par place des lueurs rouges de temps à autre. Aussi le canon des écroulements, de mitraille, c'était bien l'inconnu. une brume de rêve où nul détail n'échappait. Tout à coup, on nous fait descendre dans des ravins. Nous reconnaissons les environs de la Muette. C'est ici, pensions-nous, que nous allons mourir. Rien de plus terriblement beau que cette scène. La nuit, sans être obscure, n'était pas assez claire pour laisser distinguer les choses telles qu'elles sont. Les formes vagues qu'elles prenaient allaient bien à la situation. Des rayons de lune glissaient entre les pieds des chevaux, sur cet étroit chemin où nous descendions. L'ombre des cavaliers s'y dessinait comme une frange noire à la lueur des torches. Ils semblaient voir saigner les bandes rouges sur les uniformes des fédérés à demi arrachés. Les soldats en paraissaient couverts. La longue file des prisonniers serpentait au loin, s'amincissant à la queue comme on voit dans les gravures. Je n'aurais jamais cru que ce fût si semblable. Nous entendions armer les fusils, puis plus rien que le silence et l'ombre. « Que pensez-vous ? » me demanda l'un de ceux qui nous conduisaient. « Je regarde, lui dis-je. » Tout à coup, on nous fit remonter, nous reprîmes notre marche, puis il y eut un assez long repos. Nous allions à Versailles. En effet, nous arrivons dans cette ville, des nuées de petits crevés nous environnent hurlant comme des bandes de loups. Quelques-uns tirent sur nous. Un camarade près de moi a la mâchoire fracassée. Je dois cette justice aux cavaliers qu'ils repoussèrent au large ces imbéciles et les drôlesses qui les accompagnaient. Nous dépassons Versailles. On marche encore. Puis voilà une hauteur, un mur crénelé. C'est Satory. La pluie tombait si fort qu'il semblait marcher dans l'eau. Devant la petite montée, on nous crie « Montez !» comme à l'assaut des buttes. Et nous montons comme au pas de charge que marquaient au loin les coups de canon. On braque les mitrailleuses. Nous avançons toujours. Une pauvre vieille, arrêtée parce qu'on avait fusillé son mari et qu'il avait fallu traîner pour qu'elle ne restât pas en arrière où elle aurait été assommée ou fusillée, suivant l'ordre donné, s'effarait et allait crier, lorsque j'eus l'idée de lui dire « Vous n'allez pas faire de bêtises. C'est la coutume qu'on braque les mitrailleuses en entrant dans un fort. » Elle me crut. Nous pouvions être tranquilles. Il n'y aurait pas d'autre cri que celui de « Vive la commune !» Alors on retira les mitrailleuses. Mes compagnons de captivité furent joints aux autres fédérés couchés sous la pluie dans la boue de la cour, la vieille envoyée à l'infirmerie. Cela paraissait singulier qu'il y eût une infirmerie dans ce lieu, qui ne ressemblait qu'à un abattoir. Et moi, après avoir dit « Ce n'est pas la peine de fouiller celle-là, on la fusillera demain matin », on me fit monter dans une petite pièce près du grenier à fourrage, où se trouvaient déjà quelques femmes arrêtées. Madame Millière, parce qu'on avait fusillé son mari. Mesdames Dereur et Barois, parce qu'on croyait avoir fusillé les leurs. Malvina Poulain, Mariani, Béatrix, Excoffon et sa mère, parce qu'elles avaient servi la commune. Une vieille religieuse pour avoir donné à boire à des fédérés qui allaient mourir. Deux ou trois autres qui ne savaient pas pourquoi l'une d'elles même ignorait si elle était arrêtée par la commune ou par Versailles. À l'extrémité opposée de la pièce était un autre groupe de femmes mises avec nous afin de pouvoir dire qu'elles étaient des nôtres. De mon côté, j'assurais pour rendre l'appareil qu'elles étaient des femmes d'officiers de Versailles. Ces malheureuses se servaient pour leur ablution, plus étrange que celle du docteur Grenier, des deux bidons d'eau jaunâtre, prises à la mare de la cour et qu'on mettait là pour boire. Dans cette mare, les vainqueurs lavaient leurs mains sanglantes et faisaient leurs ordures. Les bords charriaient une écume rose. C'est après de cette mare que je songeais à ces hommes qui jadis nous appelaient leurs chers enfants et que l'affolement du pouvoir faisait des étrangleurs de la Révolution. Pelletan, lui, s'était retiré avant la tuerie. Pendant la nuit, Excoffon et sa mère avaient tiré de leur poche des bacs secs en place des miens qui étaient trempés. Elle m'avait fait ôter ma jupe qui dégoûtait d'eau et m'en avait donné une. Je me reprochais d'être si à mon aise pendant que mes compagnons de route étaient sous la pluie. Nous étions couchés à terre sur le plancher et tout en mettant en parcelles impalpables les papiers qu'Excoffon et moi nous avions dans nos poches, je fus assez heureuse pour donner à Madame Dereur et à Madame Barois des nouvelles de leur mari, qu'elles croyaient mort. Je les avais vus depuis. La pauvre madame Millière, il n'y avait rien à lui dire. Le matin, on nous distribua à chacune un morceau de pain du siège, et on me dit que je serais exécuté le lendemain seulement. « Comme il vous plaira, » répondis-je. Les jours passèrent. La commune était morte depuis longtemps. Nous avions entendu le dernier coup de canon de son agonie, le dimanche 28. Nous avions vu arriver un convoi de femmes et d'enfants, qu'on renvoya à Versailles, Satory étant trop plein, sauf quelques-unes des femmes, les plus coupables, qu'on laissa avec nous. C'était des cantinières de la commune. On ne peut rien imaginer de plus horrible que les nuits de Satory. On pouvait entrevoir par une fenêtre à laquelle il était défendu de regarder, sous peine de mort, mais ce n'était pas la peine de se gêner, des choses comme on n'en vit jamais. Sous la pluie intense ou de temps à autre à la lueur d'une lanterne qu'on élevait, les corps couchés dans la boue apparaissaient sous forme de sillons ou de flots immobiles s'il se produisait un mouvement dans l'épouvantable étendue sur laquelle ruisselait l'eau. On entendait le petit bruit sec des fusils, on voyait des lueurs et les balles s'égrenaient dans le tas, tuaient au hasard. D'autres fois, on appelait des noms, des hommes se levaient et suivaient une lanterne qu'on portait en avant. Les prisonniers portant sur l'épaule la pelle et la pioche pour faire leur fosse, qu'ils creusaient eux-mêmes, puis suivaient les soldats, le peloton d'exécution. Le cortège funèbre passait, on entendait des détonations, c'était fini pour cette nuit-là. Un matin, on m'appelle, nous nous serrons la main, croyant ne plus nous revoir. Je n'allai pas loin, seulement jusqu'à un cabinet sur le carré de la porte. Un homme y était assis devant une petite table. Il commença à m'interroger. « Où étiez-vous le 14 août ?» me demanda-t-il. Méchamment, je me fis expliquer ce qui avait eu lieu le 14 août, après quoi je lui dis « Ah, l'affaire de la Villette, j'étais devant la caserne des pompiers. » Il écrivait jusque-là, assez poli, je lui répondais de mon côté avec une grande douceur, m'amusant comme une écolière qui peut faire une bonne malice. Et à l'enterrement de Victor Noir, vous y étiez, me dit-il. Ses joues commençaient à se colorer. Oui, répondis-je, et le 31 octobre et le 22 janvier, devant l'hôtel de ville. Qu'avez-vous fait pendant la commune? J'étais aux compagnies de marche. Il avait de plus en plus rougi de colère. Alors, écrasant sa plume sur le papier, il dit, cette femme à Versailles. Toutes furent interrogées, et les unes ayant servi la commune, les autres étant femmes de fusillés, on nous envoya à Versailles. Notre file comprenait encore une ou deux de ces figurantes que nous avions rencontrées à Satory et qui là encore étaient ensemble, mais se tenant mieux. On avait besoin, m'avait dit celui qui interrogeait, de faire voir au grand jour les crimes de la commune. C'est pourquoi nous devions, à la prison des chantiers, retrouver certains membres de ces malheureuses. Sur le chemin de Satory à Versailles, une femme en fureur, dont la bouche restait ouverte pour laisser passer les flots d'insultes qu'elle vomissait sur nous, cherchait à nous sauter à la gorge. On lui avait dit que nous avions tué sa sœur. Tout à coup, elle jette un cri, une prisonnière arrêtée par hasard en jette un autre. C'était sa sœur, que depuis plusieurs jours, elle avait vainement cherché. « Pardon, pardon !» nous cria-t-elle en s'éloignant sous les rebuffades des soldats. Nous arrivons à la prison des chantiers. On entre par une porte dont la partie supérieure est à claire-voie, dans une grande cour, de là, dans une première salle où sont grand nombre d'enfants prisonniers. Par une échelle et un trou carré, nous montons dans la salle supérieure. C'est la nôtre, la prison des femmes. Un second escalier de bois en face du premier conduit à l'instruction, qui est faite par le capitaine Briot. Nous trouvons à la prison des chantiers et toujours les figurantes mises à dessein parmi nous. Les chantiers, surtout en ces premiers temps, n'étaient pas une prison commode. Le jour, si on voulait s'asseoir, il fallait que ce fût à terre. Les bancs ne vinrent que longtemps après. Ceux de la cour furent mis à propos. Je crois de nos photographies, par appair, photographies vendues à l'étranger et illustrant un volume historique où elles furent gravées avec cette légende, pétroleuses et femmes chantantes. Nos noms de chaque côté étaient sur celles d'appaires rassurant nos familles. Au bout de 15 jours ou 3 semaines, on nous donna une botte de paille pour deux. Nous avions jusque-là couché comme à Satory sur le plancher. On ajouta au pain du siège, notre seule nourriture jusque-là, une boîte de conserve pour quatre. Est-ce que Versailles commencerait à avoir peur, pensions-nous, étonnés de cette profusion soudaine? Mais de nouvelles prisonnières arrivant chaque jour nous disaient « La terreur est plus forte que jamais. Il y avait tant de morts dans les prisons qu'on avait craint trop de nouveaux cadavres. » La nuit, au-dessus de cette morgue que faisaient nos corps, voltaient au vent qui glissait de tous côtés les châles ou autres guenilles suspendues à des ficelles au-dessus de nos têtes et qui, aux lueurs fumeuses des lampes, placées aux deux extrémités de la pièce près des factionnaires, prenaient des envolements d'ailes d'oiseaux. Ces haillons qu'on quittait pour dormir de peur de les abîmer davantage étaient les seuls habillements qu'on pût avoir. Impossible aussi bien d'en mettre d'autres, en eût-on eu. Il était également impossible d'en changer devant les soldats allant et venant, appelant les misérables que, malgré nos récriminations, on laissait toujours avec nous. On ne dormait guère, grâce à la vermine qui s'était mise de la partie, mais cette morgue prenait à l'aube des effets de moisson. Les épis écrasés et vides des maigres bottes de paille se doraient brillants comme un champ d'astres. Quand même, on causait, on riait, haillant par les nouvelles arrivantes des nouvelles des siens. Par les rares qui sortaient en non-lieu, on pouvait faire quelques commissions. J'avais pu faire dire à ma mère que je me portais parfaitement et que j'étais très bien, mais elle se renseigna ailleurs, ne me croyant plus. Sur le plancher serpentaient de petits filets argentés, formant des courants entre de véritables lacs, grands comme des fourmilières et remplis comme les ruisselets d'un fourmillement nacré. C'étaient des poux, énormes, au dos hérissé et un peu bombé, quelque chose de pareil à des sangliers qui auraient eu la taille d'une toute petite mouche. Il y en avait tant qu'on entendait le fourmillement. Les arrestations par hasard ne manquaient pas. Une sourde muette passait là quelques semaines pour avoir crié « Vive la Commune !» Une femme de 80 ans, paralysée des deux jambes pour avoir fait des barricades. Une autre déjà vieille, type de l'âge de pierre, mélange de ruse et de naïveté, tourna pendant 3 jours autour du trou de l'escalier, un panier à un bras, un parapluie sous l'autre. Il y avait dans ce panier quelques exemplaires d'une chanson composée par son maître, un homme de lettres, disait-elle. Elle vendait pour leur avoir du pain cette chanson, qu'on avait crue à la gloire de la Commune. C'était à la gloire de Versailles. La bonne femme avait été coffrée et le vieux attendait depuis ce temps-là. D'abord, on prétendit que nous disions cela par méchanceté. Alors j'emportai à l'instruction un des exemplaires de la chanson. Elle commençait ainsi. Beau monsieur de Versailles, entrez dedans Paris. Il n'y avait pas moyen de nier, c'était imprimé. Ils avaient jeté à leurs derniers sous dans l'espoir de les doubler. On se rendit à l'évidence. La vieille heureuse allait descendre l'escalier avec son panier et son parapluie. Elle s'arrêta et dit, croyant nous flatter, si la Commune avait gagné, nous aurions mis beau monsieur de Paris, entrez dedans Versailles. Elle devait collaborer avec son maître. Une autre joyeuseté des chantiers était de voir le dimanche parmi les drôlesses qui venaient avec les officiers, quelques bourgeoises curieuses et badaudes, traînant la queue de leur robe dans les fourmilières dont j'ai parlé. L'une d'elles, de superbe profil grec, mais posant trop, me demanda d'un ton fort poli si je savais bien lire. Un peu, lui dis-je. Alors je vais vous laisser un livre pour vous entretenir avec Dieu. Laissez-moi plutôt le journal qui passe dans votre poche, lui dis-je. Le bon Dieu est trop versaillais. Elle tourna le dos, mais je vis dans sa main, derrière son dos, le journal qu'elle me tendait. Elle n'était vraiment pas si bête, ni si maladroite que j'aurais cru. Un journal, Le Figaro. Nous allons apprendre nos crimes et surtout voir s'il y a des amis arrêtés. On le glisse de main et main, car on ne peut pas lire en ce moment. C'est la visite, mais nous savons qu'il y a un journal. En attendant, ayant trouvé un morceau de charbon, je fais au mur les caricatures des visiteurs, assez ressemblantes pour les rendre furieux. Mes crimes s'entassaient. J'avais de plus écrit sur ce même mur que nous réclamions d'être séparés des dames versaillaises mises avec nous pour salir la commune. J'avais, en troisième lieu, jeté à la tête d'un gendarme qui voulait me la prendre une bouteille de café passée par ma mère à travers les claires-voies de la porte de la cour, et que j'eusse voulu ne laisser prendre que quand la pauvre femme eût été partie. Appelé près du capitaine Briot, j'avais mis le comble à ses attentats en disant « Je regrette d'avoir agi ainsi envers un pauvre homme, mais il ne se trouvait pas là d'officier. » Comme je n'étais pas la seule à me rendre coupable de tant de forfaits, on fit la liste des plus mauvaises, les meneuses, comme on dit. Depuis mon incarcération, on me demandait si j'avais des parents à Paris, et, afin qu'ils ne fussent pas arrêtés, je répondais invariablement « Je n'en ai pas ». Un jour, après cette même question et à cette même réponse, le capitaine Briot me dit « Vous n'avez pas d'oncle ?»« Non, lui dis-je encore. » Mais comme il avait tiré la lettre de l'enveloppe, je voyais de côté, étant debout près du bureau. Mon oncle était arrêté, mais ne voulait pas que je change en rien la façon dont j'agirais, comme s'il ne l'était pas. Mes deux cousins, Dacheux et Laurent, étaient arrêtés également. Le premier avait quatre petits-enfants. « Vous voyez bien, dis-je à Briot, que j'avais raison de nier ma famille, puisqu'on arrête tous les nôtres. » La mère d'Excoffons nous appela un jour près d'elle à une dizaine. On s'assit par terre et avec mille précautions pour ne pas attirer l'attention, elle nous montra des cartes, chose prohibée, et rangées d'une certaine manière. Une arrivante, mal fouillée sans doute, lui avait fait ce cadeau. « Je n'y crois pas plus que cela, dit-elle, mais c'est une drôle de chose. » Quelle terrible revanche de la commune sur l'armée, la magistrature, une victoire populaire. Et lisant dans sa pensée bien plus que sur les cartes, elle disait « Dans longtemps, longtemps, comme ce sera terrible. » À ce moment, on commença à appeler les plus mauvaises pour les envoyer à la correction de Versailles. Michel, Louise, Gorget, Victorine, C.H. Félicie, Papavoine, Eulalie. À ce nom, celui qui appelait gonflait sa voix. La pauvre fille n'était pas même parente du célèbre Papavoine, mais cela faisait bien dans le tableau. Nous étions 40. Le lieutenant Marceron, pour inaugurer sa prise de direction de la prison des chantiers, commençait par cette exécution. Il pleuvait par torrent. Nous attendions en ligne dans la cour. Marceron vint s'excuser, s'adressant à moi qui passais pour la plus mauvaise. Je lui dis que de la part de Versailles, nous le préférions ainsi. À la correction, le régime des 40 plus mauvaises se trouva singulièrement adouci. On nous donna des bains et du linge. On put voir ses parents. Marceron n'y gagna que de changer de visage. Les prisonnières qui nous succédaient se révoltant comme nous, elles durent même le faire davantage puisqu'il se mit à frapper les enfants à coups de corde, ce que les prédécesseurs n'avaient pas fait. Le petit Ranvier, entre autres, âgé d'une douzaine d'années, fut frappé parce qu'il ne voulait pas dénoncer la retraite de son père. « Je ne le sais pas, dit-il. Mais si je la connaissais, je ne vous le dirais pas. » Les pauvres femmes qui étaient devenues ou devenaient folles ne furent pas non plus négligées. Les nouvelles prisonnières les soignaient comme nous en avions l'habitude, sans se troubler de leurs cris d'épouvante. Elles voyaient partout et sans cesse les horribles scènes qui leur avaient fait perdre la raison. Il fallait les faire manger comme de petits enfants. Un jour, les malheureuses femmes furent emmenées dans des maisons d'aliénés, disait-on. Mesdames Ardoin et Cadol ont écrit l'épouvantable histoire de la prison des chantiers sous le lieutenant Marceron. En cet endroit naquit la petite Leblanc, qui devait faire avec nous quelques mois plus tard, dans les bras de sa mère, le voyage de Calédonie sur un navire de l'État, la frégate La Virginie. La prison des chantiers fut à la fin de l'année attribuée aux hommes. Toutes les maisons de détention regorgeaient. Les femmes qui y étaient encore furent reversées à la correction de Versailles. Fin des bastions à Satory et à Versailles.